C'est maintenant. Tu vois, t'étais la seule personne en qui j'avais vraiment confiance, de qui jamais j'aurais cru douter. Overdose de conscience, pourtant t'étais devenue ma sœur de cœur, personne n'aurait dû nous séparer. Destinée ou malchance, tu vois, j'ai beau chercher les raisons, est-ce que tu m'appelles, j'ai pas fonctionné. Maintenant j'ai plus confiance, même si ça fait 2 ans, ça s'est passé, même les détails j'ai pas oublié. Pourquoi ça fait si mal d'avoir été trahi par ma seule amie, la seule à qui j'ai confié ma vie, comme si c'était normal. T'as cru que comme ça j'allais tourner la page, mais t'es pas fini, j'ai toujours la rage. Trompé par mon cœur, trahi par ma sœur, la sœur en qui j'avais foi, confiance, et celle qui m'a menti. Aujourd'hui enfin, est venue ton heure. J'ai pas payé ce que t'as fait dans les moindres détails, ça j'ai promis. Ma sœur, la seule, ma sœur. Maintenant tu pleures, parce que t'ouvres les yeux, tu vois plus personne, tu dis que t'es seule, et ça, ça te fait peur. Quand il y a plus personne pour t'écouter, pour t'épauler, t'as perdu ta petite sœur. Celle qui croyait dur en ton amitié, mais à croire que toi tu sais pas ce que c'est. Celle qui passait des heures au fun à t'écouter pleurer pour lui, j'ai pas fini. Je veux que tu comprennes combien j'avais de la peine le soir où je t'ai vu coucher avec lui. Tu pouvais pas trouver quelqu'un pour toi, fallait que tu viennes le chercher dans mon lit. Trompé par mon